Le drame du puits de Ma'ouna. Bien plus terrible encore que la tragédie d'Ar-Raji, le drame du puits de Ma'ouna se produisit le même mois que celle-ci. Abu Bara, Amir ibn Malik, surnommé le Lancier, vint trouver l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Médine, qui l'appela à embrasser l'islam. Mais celui-ci ne prit aucune décision, il n'accepta ni ne refusa son message. Il dit « Ô envoyé d'Allah, si tu envoies certains de tes compagnons aux gens du Najd pour les appeler à ta religion, ils seront certainement réceptifs. » « Je crains que les habitants du Najd ne les tuent, » répondit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Mais Abu Bara rétorqua « Je les protégerai. » Ibn Ishaq a confirmé le fait que 40 hommes leur furent envoyés. Mais dans la tradition authentique, il est établi qu'ils étaient 70 avec à leur tête Al-Mundhir ibn Amr, qui faisait partie des Banu Sa'ida et à qui avait été donné le surnom de « prêt à mourir ». Ces musulmans étaient les plus instruits en matière de Coran et de jurisprudence islamique. Sur le chemin du Najd, ils ramassaient du bois pour le vendre et achetaient de la nourriture aux gens d'As-Suffa, une salle attenante à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam où logeaient les miséreux. Et la nuit, ils étudiaient le Coran et veillaient en prière. Ils continuèrent ainsi jusqu'à ce qu'ils arrivèrent au puits de Ma'ouna, un territoire se situant entre celui des Banu Amir et la Harra, le terrain volcanique des Banu Sulaym. Ils restèrent là et l'un d'eux, Haram ibn Milhan, le frère d'Umm Sulaym, se rendit chez l'ennemi d'Allah, Amir ibn Tufayl, porteur du message de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ne jetant pas le moindre regard à la lettre, Amir ordonna à l'un de ses hommes de tuer Haram d'un coup de lance dans le dos. Quand la lance pénétra dans le corps de Haram, ce dernier vit le sang couler et dit « Allah est le plus grand. Par le Seigneur de la Kaaba, j'ai triomphé. » Puis l'ennemi d'Allah appela les autres membres des Banu Amir à combattre le restant des musulmans. Les Banu Amir refusèrent car les musulmans étaient sous la protection d'Abu Bara. C'est pourquoi Amir ibn Tufayl se tourna vers les Banu Sulaym. Les gens de Usiyya, Ra'al et Zakwan qui appartenaient aux Banu Sulaym répondirent favorablement à son appel. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui étaient cernés par les idolâtres luttèrent jusqu'au dernier. Le seul survivant fut Ka'b ibn Zayd ibn Najjar, qui passa pour mort bien que n'étant que blessé. Il fut tué par la suite à la bataille du fossé. Amr ibn Umayya al-Damri et Al-Mundhir ibn Uqba, qui faisaient paître un peu à l'écart les troupeaux des musulmans, virent des oiseaux tourner tout autour du champ de bataille. Al-Mundhir se précipita pour participer au combat et fut tué. Mais Amr ibn Umayya fut capturé. Apprenant qu'il appartenait à la tribu de Mudar, Amir le libéra, car sa mère devait affranchir un esclave. De retour auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, Amr ibn Umayya communiqua la nouvelle de ce pénible désastre qui s'était traduit par la mort de 70 croyants parmi les meilleurs de la communauté. Cet événement rappelait la tragédie d'Uhud, mais avec cette différence que les morts d'Uhud avaient trouvé la mort dans un vrai combat, tandis que ceux de Ma'ouna avaient été victimes d'une ignoble trahison. Sur le chemin du retour, à Qarqara, près de Qanat, Amr ibn Umayya se reposa à l'ombre d'un arbre et là, deux hommes des Banu Kilab se joignirent à lui. Quand ils s'endormirent, Amr les tua, pensant ainsi avoir vengé certains de ses compagnons assassinés. Or, ces deux hommes avaient un sauf-conduit que leur avait donné le prophète, alayhi salatu wassalam. Il rapporta au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ce qu'il venait de commettre. Le prophète, sallallahu alayhi wassalam, dit à Amr, « Tu as tué des hommes dont je payerai le prix du sang. » Il se mit à rassembler la somme en question auprès des musulmans et de leurs alliés juifs. Ceci marqua d'ailleurs le déclenchement du conflit avec les juifs des Banu Nadir. Le prophète alayhi salatu wassalam fut si bouleversé par cette tragédie et par celle d'Ar-Raji qu'il se mit à invoquer régulièrement la colère d'Allah contre ses tribus qui avaient lâchement tué et trahi ses compagnons. Anas a rapporté que pendant 30 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam supplia ainsi Allah contre ceux qui avaient commis le massacre du puits de Ma'ouna. Lors de chaque prière de l'aube, il implorait Allah pour qu'il frappât les Ra'l, les Zakwan, les Lihyan et les Usayya. Il disait « Les Usayya ont désobéi à Allah et à son messager ». Allah révéla alors à son prophète alayhi salatu wa sallam un verset relatif aux gens du puits de Ma'ouna, nous le récitâmes puis il fut abrogé. C'était « Informez notre peuple que nous avons rencontré notre Seigneur. Il est satisfait de nous et nous sommes satisfaits de lui. » Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, cessa son invocation. La Ghazwa contre les Banu Nadir. Nous avons déjà parlé de l'hostilité des Juifs à l'égard de l'islam et des musulmans en dépit de tous les pactes qu'ils avaient conclus avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Leur attitude se modifia en fonction des événements. À la résignation et à l'abattement dus à la disgrâce des Banu Qaynuqa et à l'exécution de Ka'b ibn al-Ashraf, succéda une attitude rebelle combinée à des contacts subversifs clandestins avec Quraysh et les hypocrites en vue d'établir une alliance contre les musulmans après la bataille d'Uhud. Étant inexpérimentés dans l'art de la guerre, ils recoururent aux complots et aux conspirations. Dévoilant leur rancœur et leur inimitié, ils se mirent à desservir les intérêts des musulmans tout en évitant les actes pouvant les entraîner dans une véritable guerre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, de son côté, fit preuve de la plus grande patience à leur égard, mais ils allèrent trop loin dans la provocation, surtout après les drames d'Ar-Rajir et du puits de Ma'ouna. Ils attentèrent même à sa vie. Conformément aux clauses du pacte liant les musulmans aux juifs, le prophète, alayhi salatu wassalam, et certains de ses compagnons, notamment Abu Bakr, Omar et Ali, se rendirent sur le territoire des Banu Nadir pour demander leur participation au paiement du prix du sang des deux hommes que Amr ibn Umayya ad-Damri avait par erreur tués. Les Banu Nadir exprimèrent au prophète, alayhi salatu wassalam, leur volonté de l'aider et l'invitèrent à patienter quelques instants. Le prophète, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons vinrent s'asseoir près du mur de l'une des demeures juives, attendant que les Banu Nadir honorent leurs engagements. Une fois les juifs seuls entre eux, Satan leur enjoliva le mal, les incitant à tenter à la vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le plus pervers d'entre ces juifs, Amr ibn Jihash, se porta volontaire pour jeter sur le prophète, alayhi salatu wassalam, du haut du château près duquel il était assis, un bloc de pierre. Un autre juif, Sallam ibn Mishkam, leur conseilla de ne rien tenter, car Allah dévoilerait à son prophète, alayhi salatu wassalam, leur projet funeste. Il ajouta qu'un tel acte équivaudrait à la violation explicite du pacte conclu avec les musulmans. Mais les juifs ne prêtèrent pas attention à ses propos et décidèrent d'exécuter leur plan. L'ange Djibril, Gabriel, révéla au prophète, alayhi salatu wassalam, les intentions criminelles des juifs, c'est pourquoi il se hâta de retourner à Médine. En chemin, il fit part à ses compagnons de ce qui lui avait été communiqué par l'ange de la révélation. Peu de temps après, le prophète, alayhi salatu wassalam, dépêcha Muhammad ibn Maslama auprès des Banu Nadir pour leur lancer un ultimatum. Il devait quitter Médine dans 10 jours pour avoir la vie sauve. Le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay, exhorta alors les Juifs à ne pas tenir compte de cet avertissement et à demeurer chez eux, leur offrant de les soutenir avec 2000 de ses partisans et leur assurant qu'ils seraient également aidés par la tribu juive des Banu Qurayza et par leurs anciens alliés les Ratafan. À ce sujet, Allah dit en rapportant les propos des hypocrites: Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. N'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre: Si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous et nous n'obéirons jamais à personne contre vous. Et si vous êtes attaqués, nous vous secourrons certainement. Et Allah atteste qu'en vérité, ils sont des menteurs. Sourate 59, verset 11, selon le sens du verset. Les Juifs reprirent alors confiance et se montrèrent déterminés à combattre. Leur chef, Huyay ibn Akhtab, s'en remit totalement aux promesses du chef des hypocrites et c'est pourquoi il fit savoir à l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, qu'il rejetait son ultimatum en disant « Nous ne quitterons pas nos maisons, fais ce que bon te semblera ». La situation était embarrassante pour les musulmans. En effet, engager une guerre à ce moment critique de leur histoire pouvait avoir des conséquences funestes. Les Arabes assaillaient les musulmans, n'hésitant pas à assassiner leurs missionnaires comme nous l'avons rapporté plus haut. Et les Juifs des Banu Nadir constituaient quant à eux une puissance avec laquelle il fallait compter. Et la perspective de leur capitulation était bien aléatoire. L'hypothèse du combat n'était donc pas sans risque. Cependant, les crimes perpétrés contre les musulmans, y compris les trahisons, engendraient un malaise insupportable. C'est pourquoi, malgré les risques que comportait cette décision, les musulmans décidèrent de déclarer la guerre au Banu Nadir afin de venger la tentative de meurtre contre le prophète, alayhi salatu wassalam. Quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wassalam, reçut la réponse de Huyay ibn Akhtab, il dit « Allahu Akbar, Allah est le plus grand ». Et ses compagnons le répétèrent après lui. Puis il désigna Ibn Maktoum comme lieutenant à Médine et se mit en marche contre les Banu Nadir. L'étendard fut confié à Ali ibn Abi Talib. Le prophète alayhi salatu wassalam assiégea leur fortin pendant 6 jours ou 15 jours selon une autre version. Les Banu Nadir, du haut de leur fort, tirèrent des flèches et jetèrent des pierres contre les assaillants musulmans, profitant de l'avantage que leur procurait leur palmeraie touffue. Les soldats de l'islam reçurent alors l'ordre d'abattre et de brûler ces arbres. À ce propos, Allah le Tout-Puissant dit dans le Coran, selon le sens du verset, « Tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé debout sur ses racines, c'est avec la permission d'Allah et afin qu'il couvre ainsi d'ignominie les pervers. » Sourate 59, verset 5. Les Banu Qurayza demeurèrent neutres, et l'hypocrite Abdullah ibn Ubay, de même que les Ratafan, ne tinrent pas leurs promesses. Allah dit à ce sujet, selon le sens du verset, « Kamathali shaytani idh qala lil insani kur falamma kafara qala inni bari min إني أخاف الله رب العالمين. Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme « Sois incrédule ». Puis quand il a mécru, il dit « Je te désavoue, car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers ». Sourate 59, verset 16. Le siège ne dura pas longtemps, car Allah le Tout-Puissant insuffla la peur dans les cœurs des Juifs et ils se plièrent à la volonté du prophète, alayhi salatu wassalam, de les voir quitter Médine. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wassalam, les laissa emporter à dos de chameau autant d'affaires qu'ils souhaitaient, excepté les armes. Ainsi, ils prirent tout ce qu'ils purent charger sur leurs bêtes, même les chevilles et les poutres de leur plafond. Comptant 600 chameaux, et menés par leur chef Huyay ibn Akhtab et Sallam ibn Abil Huqayk, leur caravane se dirigea vers Khaybar, tandis qu'un autre groupe de Juifs partit pour la Syrie. 2 Juifs embrassèrent l'islam, Yamin ibn Amr et Abu Sa'd ibn Wahb, conservant ainsi leur richesse personnelle. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, saisit les armes, les terres, les maisons et les biens laissés par les Banu Nadir. Dans ce butin, il y avait 50 cottes de mailles, 50 casques et 340 épées. Tout ceci revenait de droit au prophète alayhi salatu wassalam, car il avait été obtenu après une reddition sans combat. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wassalam, distribua une partie du butin selon sa volonté entre les Mécois qui avaient émigré à Médine au début de l'Égir et 2 Ansar nécessiteux, Abu Dujana et Sahal ibn Hanif. Il dépensa une autre partie pour subvenir aux besoins de sa famille durant une année et le reste enfin dans l'équipement de l'armée musulmane. Cette expédition contre les Banu Nadir eut lieu au mois de Rabi' al-Awwal de l'an 4 de l'Hégire, c'est-à-dire en août 625 de l'ère chrétienne. Presque tous les versets de la sourate 59, le rassemblement, décrivent le bannissement des Juifs et dévoilent la félonie des hypocrites. Ils précisent également les règles relatives à la répartition du butin. Allah le Tout-Puissant souligne aussi les mérites des Muhajirun et des Ansar. Concernant les méthodes de combat, un verset stipule la possibilité de couper, de brûler les arbres en territoire ennemi en cas de nécessité. Cela ne peut être considéré comme un acte barbare, car s'inscrivant dans le contexte de la lutte dans la voie d'Allah. Dans cette même sourate, Allah recommande aux croyants la piété et les exhorte à préparer les provisions pour la vie ultime. La glorification d'Allah, ainsi que l'énoncé de certains de ses beaux noms et attributs, en constitue la conclusion. Cette sourate étant consacrée essentiellement au Banu Nadir et à leur bannissement, Ibn Abbas avait pour habitude de l'appeler « Sourate An-Nadir ». La deuxième razwa de Badr. Lorsque les musulmans eurent écarté la menace des tribus bédouines, ils commencèrent leurs préparatifs afin d'affronter leur grand ennemi, Quraysh. Une année s'était écoulée depuis le dernier affrontement avec les Quraishites et le rendez-vous fixé à la fin de la bataille d'Uhud approchait. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons devaient aller à leur rencontre. Il leur fallait de nouveau croiser le fer avec Abu Sufyan et son peuple afin que le mieux guidé des deux groupes ait définitivement le dessus. Au mois de Sha'ban de l'an 4 de l'Hégire, c'est-à-dire en janvier 626 de l'ère chrétienne, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam partit pour Badr à la tête de 1500 guerriers. Ali ibn Abi Talib était le porte-étendard. Abdullah ibn Rawaha fut désigné comme lieutenant à Médine. Une fois arrivé à Badr, les musulmans attendirent la venue des idolâtres. Le camp d'Abu Sofyan comptait 2000 combattants. Ils allèrent jusqu'à Mar al-Zahran, à quelque distance de la Mecque, établissant leur campement près d'un point d'eau dénommé Mijanna. Mais Abu Sofyan était réticent, plutôt découragé, extrêmement anxieux à cause des possibles conséquences de l'affrontement à venir. C'est pourquoi il se tourna vers ses hommes et usa de prétextes fallacieux afin de les dissuader d'aller à la rencontre des musulmans. Il dit « Ô peuple de Quraysh, rien n'améliorera davantage votre condition qu'une année fertile, une année durant laquelle vos animaux se nourriront de plantes et de buissons et vous donneront du lait à boire. Or, cette année-ci est une année sans pluie, c'est pourquoi je retourne à la Mecque et je vous exhorte à me suivre. » Les soldats, nourris de la même crainte que lui, lui obéirent sans la moindre hésitation. Les musulmans les attendirent durant 8 jours. Ils profitèrent de cette occasion pour faire du commerce et ils parvinrent à vendre leurs marchandises à un prix 2 fois supérieur à leur valeur. Les polythéistes ayant refusé de combattre, les musulmans avaient réussi à inspirer aux esprits un respect mêlé de crainte, contrôlant ainsi de nouveau la situation dans la région. Cette expédition reçut de nombreuses appellations. Le rendez-vous de Badr, la seconde expédition de Badr, l'ultime expédition de Badr et la petite expédition de Badr. La razwa de Dumatul Jandal. Après l'expédition de Badr, la paix et la sécurité régnèrent dans la périphérie de Médine et bien au-delà. L'État musulman naissant se consolida. Le prophète alayhi salatu wassalam jugea alors opportun de se rendre dans les confins de l'Arabie pour asseoir l'autorité des musulmans et afin que leurs alliés ainsi que leurs détracteurs reconnaissent leur souveraineté. 6 mois après son retour de Badr la deuxième, le prophète alayhi salatu wassalam fut informé que certaines tribus aux alentours de Jumatul Jandal près de la Syrie se livraient au brigandage et au pillage et se mobilisaient pour aller attaquer Médine. Il laissa comme lieutenant à Médine Siba ibn Arfat al-Rifari et partit pour cette région à la tête de 1000 combattants à 5 jours de la fin du mois de Rabiul Awwal de l'an 5 de l'Hégire. Il était accompagné d'un guide dénommé Mathkour de la tribu des Banu Uzra. Les musulmans marchaient de nuit et se cachaient durant la journée afin de surprendre l'ennemi. Lorsqu'ils furent presque arrivés à destination, ils s'aperçurent que les pillards avaient pris la fuite. Ils saisirent alors leur bétail et capturèrent leurs bergers. Les habitants de Jumatul Jandal s'étaient également enfuis, craignant pour leur vie et laissant inoccupée leur demeure. Le prophète alayhi salatu wassalam resta sur place 5 jours, pendant lesquels il dépêcha des détachements pour localiser l'ennemi, mais en vain. Il retourna ensuite à Médine après avoir conclu un traité de paix avec Uyayna ibn Hisn. Jumatul Jandal était situé à environ 15 jours de marche de Médine et à 5 jours de marche de Damas. Grâce à de telles initiatives rapides et décisives, et à de telles stratégies judicieuses et efficaces, le prophète alayhi salatu wassalam parvint à sécuriser la région, à la placer globalement sous son contrôle et à imposer une paix durable. La diminution des troubles intérieurs et extérieurs permit d'améliorer sensiblement le bien-être des musulmans de Médine. Les hypocrites étaient réduits au silence. Une tribu de juifs, les Banu Nadir, avait été expulsée, tandis que les autres juifs feignaient la fidélité au pacte conclu et se donnaient les apparences de voisins corrects. Les bédouins du désert, quant à eux, étaient terrorisés et enfin les ennemis jurés, les Quraychites, avaient renoncé à attaquer les musulmans. Cette situation stable ouvrait ainsi la porte à la reprise des activités de prédication et de transmission du message du Seigneur des univers.